On a parlé avec Pascal Masson de l'impact de l'annulation du sport universitaire canadien et sur le football universitaire canadien également. Peut-être québécois, parce qu'on ne sait pas encore ce qui va arriver avec, avec le football au Québec. La RSEQ devrait prendre leur décision à la mi-juillet. Quoi qu'il en soit, il y a un joueur qui, de Dolbeau Mistissini qui doit être très déçu de cela. Il devrait entamer sa saison, sa carrière universitaire. Cette année, c'est William Saint-Pierre. Salut, William. Salut, Danny. William, évidemment, c'est une. J'imagine que c'est une déception pour toi. C'est pas encore officiel que tu joueras pas cette année parce que la RSEQ a pas encore donné son. A pas tranché encore. Mais comment t'as réagi quand tu as su ça? C'est sûr qu'en s'en venant à Sherbrooke, c'était pour jouer au football, premièrement. Ouais. Avec les études aussi qui venaient avec ça. Mais c'est sûr que quand ils ont annoncé ça, c'est décevant, mais tu te dis que c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Ouais. Fait qu'en fait, tu essaies de contrôler les autres affaires que tu as le contrôle dessus. Fait que on continue à s'entraîner pareil en espérant peut-être une saison juste avec les équipes du Québec ou quelque chose comme ça. Là, on ne sait pas. Peut-être pas c'est juste des matchs inter-équipe, excuse. Mais là, quand même, là actuellement, tu es à Sherbrooke. Là, il y a toute l'histoire du COVID. Comment est-ce que. Là, on voit un petit peu les programmes qui sont. On a vu le Rouge et Or, comment que le programme, leur début d'entraînement est un petit peu hypothéqué. Comment ça se passe du côté du Varéor? Nous autres, je te dirais que je sais que du côté du Varéor, je pense que l'université était comme pas en accord vraiment ou avait comme pas été informée. Je sais que nous, de notre bord, l'université nous appuie vraiment. Puis, ouais, mais je veux dire, le camp d'entraînement, votre entraînement, comment que ça ouais, se passe? Non, non, on n'a pas vraiment de camp d'entraînement. Là, on a commencé à s'entraîner en groupe de 10. OK. Et vraiment, se passer tout le temps, là, on est surveillé. Je sais pas combien il y a de monde, là, mais c'est ça, là, on a toutes des plages horaires différentes. Puis, on s'entraîne, on respecte les règles. L'université s'assure qu'on respecte les règles. Puis, si jamais. Il y a quelqu'un qui respecte pas les règles, ben, t'sais, on va être obligé d'arrêter toute l'équipe juste pour cette personne-là. Fait que... Non, non, vraiment, là, à date, là. Ben, on a commencé tout récemment, là, je pense. C'est lundi qu'on a commencé. OK. Jusqu'à date, quelle sorte. Moi, je pense, ouais. On a commencé lundi. Ouais. Quelle sorte, jusqu'à date, quelle sorte d'entraînement qu'ils vous ont fait faire? Ah, ben, tu sais, c'est. Vu qu'on s'entraînait à la maison depuis quand même 2 mois et demi, ouais. Ils ont recommencé ça quand même assez tranquillement, là. Donc, tu sais, c'est des. Les éducatifs de base, là, c'est dehors, sur un tapis, de la course, affaire comme ça. Il n'y a ouais. pas vraiment de manipulation d'équipement puis ça, justement, pour éviter le transfert du virus si jamais quelqu'un ouais. l'aurait. Là, mais c'est vraiment là, avec du body weight, là, okay. le poids de son corps, vraiment, là, plus souvent. Puis toi, si jamais il n'y a pas de football cette année, et juste tu l'as dit en début d'entrevue, tu as dit « je t'ai venu ici pour jouer au football », c'est un peu décevant. Dans le fond, ça va peut-être t'aider aussi parce que l'an prochain, il y a des vétérans qui vont quitter. Ouais, ben ça, on le sait pas. Là. À date, là, je sais que les vétérans font comme une petite pétition pour essayer d'avoir un autre année d'éligibilité. OK, mais c'est en même temps, comme d'entier, c'est ça? Ouais, exemple. Ouais. Mais en même temps, tu sais, peut-être que cette année, on sait pas. Peut-être que j'aurais été capable de. Mais tu sais, ça coule en même temps. Faut montrer au coach ce qu'on vaut pour pareil l'année prochaine, mettons, avoir du terrain. Fait que ça aurait été ma première année, ça aurait été vraiment la première année, ce que j'aurais montré, ce que je valais, hors du terrain, c'est-à-dire l'entraînement et ça, puis sur le terrain. Tandis que là, on peut pas pratiquer sur le terrain, puis tu sais, hors du terrain, c'est bien beau, fallait du entraînement et ça, mais ça veut pas dire que tu es un bon joueur de foot. Ça aurait été vraiment une année pour dire, ah, OK, ça, c'est William Saint-Pierre, il est capable de faire ça, pour que l'année prochaine. Ouais. J'avais peut-être plus de place pour le même. Tandis que là, l'année prochaine, si jamais on n'a pas de saison, rien, pas de match, ben ça va être l'année prochaine que je vais devoir faire mon nom. Fait que, ça va être comme... Tu le retardes un peu. C'est comme retarder un peu. Un petit peu, ouais. Exactement. OK. Ouais. Okay. Donc, OK. Dis-moi si... dis-moi maintenant, tu es arrivé à Sherbrooke. Comment tu trouves la vie à Sherbrooke? Ah, c'est vraiment trippant pour moi. Ouais. Là, j'étais avec deux de mes amis qui étaient à Jonquière, là, Romain Burniard puis Thibaut Dumas, deux Français qui étaient avec moi, ouais. Dans le Gaillard. Okay. Puis on est en appartement ensemble, puis l'équipe, là, les gars sont accueillants, c'est comme si c'était leur chum, ça faisait longtemps, puis tout le monde les coach, ça. Pour vrai, là, c'est vraiment le fun comme environnement à date, là. OK. OK. Puis j'ai même su que tu t'étais parti de ta reprise, t'es débrouillant, maudit. T'as du père dans le nez? Ouais. Ben, avec le COVID, ça, c'est plus compliqué de trouver du travail présentement. T'sais, le monde y engage ceux-là qui avaient slacké pendant le COVID, tout ça. Fait que c'était plus tannant. Fait que moi et Robin, on s'est décollé une petite compagnie de tonte de pelouse. Puis à date, ça roule quand même assez bien. Là, ça remplit. Le matin, on a des petits entraînements. Puis l'après-midi, on fait de la pelouse toute la journée. Là. OK. Donc c'est quand même ça. C'est vraiment décevant ce qui se passe, William, et ainsi de suite. Pour les... Donc, ça devrait être en février que tu devrais en savoir davantage. Ouais, c'est ça. En février. Pas en février, c'est juste là, moi, en juillet, excuse-moi. Ouais, il n'y a pas de trouble. Ouais, c'est ça, on va savoir davantage. On attend vraiment le gouvernement. Puis, tu sais, ça va se faire étape par étape. On ne veut pas presser le processus aussi, parce que si on le presse et que ça ne fonctionne pas, ben ça ne va rien donner. Fait que okay. C'est ça, là, on y va comme ça y va. Ben, William, on va te souhaiter la meilleure des chances. On va suivre le dossier de près. Moi, je pense que ça cache... c'est peut-être d'autres choses aussi, là, parce que moi, écoute, la santé publique l'a dit, il n'y a pas de danger pour les gens de votre âge. Qu'il n'y ait pas de football, moi, je pense que le COVID, c'est une opinion bien personnelle, là, le dos large. Le football, le sport universitaire ne fait pas beaucoup d'argent. Pas de contrat de TV, pas beaucoup de monde dans les gradins. C'est peut-être un peu pour ça, mais ils ne diront pas non plus. Non, je sais, on ne le saura jamais, mais on espère qu'on travaille pour. Ben, on va se donner rendez-vous bientôt, William. C'est bon, merci l'ami. William Saint-Pierre des Carabins de l'Université de Sherbrooke.